Quatrième partie. Lutte et victoire. Chapitre 1. Un soleil radieux se levait sur le camp. Il éclairait, ce matin-là, une animation inaccoutumée, un va-et-vient ininterrompu. Les hommes allaient de ci, de là, interrogeant, jetant des exclamations. Don Esteban, le visage blêmi et crispé, donnait des ordres au chef de groupe placé sous ses ordres. Don Sanche, très pâle, allait et venait en compagnie de Jacques, dont la physionomie portait la marque d'une immense désolation. Monsieur Hamlet, enlevé pour quelques instants à sa distraction habituelle, errait comme un homme en peine en marmottant « Étrange, étrange !»« Eh bien quoi ? On peut tout de même sortir d'ici, » dit Bille en accostant Monsieur de Salve. C'est invraisemblable, il n'existe aucune issue autre que le chemin suivi par l'ascenseur, et celui-ci est gardé nuit et jour par un poste composé d'hommes d'une fidélité éprouvée. D'ailleurs, la clé spéciale qui en actionne le mouvement est remise chaque soir au maître ou à celui qui le remplace en son absence. Ben quoi alors ? Je vous le répète, c'est inexplicable. Et cette malheureuse jeune fille ? C'est ça, surtout. Les autres, à la rigueur, qu'ils aillent se faire pendre ailleurs. Mais que vont-ils faire de Mademoiselle Inès ? Ses cousins la détestent, le Maxence voudra se venger de son refus de l'épouser. Une longue sonnerie électrique résonna tout à coup. Don Miguel qui revient. La nouvelle courut en un instant à travers le camp. Don Esteban, Don Sanche et les autres notabilités de Solepto se précipitèrent vers l'endroit où l'ascenseur, répondant à l'appel du maître, descendait rapidement. « Je ne voudrais pas être à la place de Don Esteban, » murmura à l'oreille de son voisin un vigoureux anglais en désignant le lieutenant du roi des Andes qui semblait fort peu à l'aise. « Il n'a vraiment pas de chance. Jamais une évasion n'avait eu lieu ici. C'est réellement à n'y pas croire. » L'ascenseur reparut bientôt. Don Miguel s'y trouvait avec quatre de ses hommes. Il prit rapidement pied sur le sol et s'adressant à Don Esteban, qui s'inclinait profondément, « Tout va bien, je suppose. »« Hélas, seigneur, non. »« Qu'y a-t-il ? » ?»« Les prisonniers se sont évadés. »« Vous plaisantez ? Par où auraient-ils pu passer ? Et quels prisonniers, d'abord ?»« Les Français et Herman. » Jacques bondit tout à coup vers Don Miguel. « Et ils ont emmené ma sœur ! Don Miguel, sauvez-la, ma pauvre Inès !» Une pâleur intense s'étendit sur le visage du roi des Andes. « Vous dites ? Comment ont-ils pu ? » interrogea-t-il d'une voix altérée. En phrases entrecoupées, Jacques raconta alors qu'Alonce, en entrant le matin dans la chambre d'Inès, l'avait trouvée vide. Nulle part on n'avait pu découvrir la jeune fille. Et cette disparition coïncidait avec celle des prisonniers. On en avait conclu que ceux-ci avaient enlevé Inès. Car, naturellement, ce n'est pas de bon gré qu'elle les a suivis, ajouta le pauvre Jacques, dont la mine faisait pitié. La première stupéfaction de Don Miguel et l'émotion qu'il n'avait pu dissimuler à l'annonce de l'événement avaient déjà fait place à l'impassibilité habituelle à sa physionomie. « Don Esteban et Don Sanche, vous allez venir me faire part des remarques que vous avez déjà pu faire, » dit-il froidement. « Que chacun retourne à ses occupations. Les coupables seront promptement rejoints et un châtiment exemplaire montrera à tous ici les résultats d'une tentative de ce genre. » Instantanément, les hommes, venus là, soit pour accueillir leur chef, soit pour voir la façon dont ils recevraient la nouvelle, s'éloignèrent dans différentes directions. Don Miguel, posant sa main sur la tête du jeune de Brévis, dit d'un ton devenu doux et compatissant « Ne vous désolez pas trop, mon petit Jacques, je sauverai votre chère grande sœur. »« Oh, j'ai tant confiance en vous !» dit ardemment Jacques. « Mais comment ont-ils pu ? Par où sont-ils partis ?»« C'est ce que nous allons examiner. Vous pouvez venir avec nous, Jacques. » Une fois dans sa tente, Don Miguel interrogea alors les deux hommes qui exerçaient toujours, à des titres divers, l'autorité à Solepto pendant ses absences. Des affirmations de l'un et de l'autre, il résultait que les prisonniers n'avaient pu absolument se servir de l'ascenseur, dont le maniement était confié à des hommes d'une fidélité inattaquable. Cependant, il n'existe que cette issue et l'autre, dit Don Miguel. L'autre ? S'exclama Don Esteban. Mais, seigneur, comment aurait-il connu ? C'est ce qu'il nous faut arriver à savoir. Tout d'abord, voyons si réellement il nous faut les chercher de ce côté. Faites venir au Calpo. Don Esteban s'éloigna et reparut peu après, suivi d'un Indien âgé, à la physionomie noble et fière. Tu vas chercher la piste des fugitifs, au Calpo, dit Don Miguel, après avoir répondu par un geste à la profonde inclination du nouveau venu. L'Indien porta la main à son cœur. Au Calpo est l'esclave du grand Condor, dit-il. Qu'il commande, il obéira. Don Miguel se leva et se dirigea vers la salle aux piliers. Don Esteban, Don Sanche, Jacques et l'Indien le suivirent. Ocalpo se baissa et se mit en devoir d'examiner soigneusement le sol. Pour tous ceux qui étaient là, rien d'anormal ne se présentait. Pourtant, après avoir examiné longuement le sable mêlé d'or qui avait naguère intrigué Inès et son frère, il se redressa en disant « Ce sable a été arrangé cette nuit après le passage de plusieurs personnes afin de dissimuler toute trace de leurs pas. » Bien. « Suis-moi, » dit Don Miguel. « Vous, Don Sanche, allez chercher de la lumière et rejoignez-nous. » Ils s'engagèrent dans un large couloir qui se rétrécit bientôt. Don Sanche était revenu promptement, portant deux puissantes lanternes. Ocalpo en prit une et, tout en avançant lentement, se courba pour examiner le sol. « C'est du roc, la piste sera difficile à suivre, » dit Don Miguel. « Difficile, oui, pas impossible, » répondit laconiquement l'Indien. Bientôt, le couloir ne fut plus qu'un boyau où les cinq hommes n'avançaient qu'un à un. Un grondement sourd se faisait maintenant entendre et finit par intriguer Jacques qui demanda « Qu'est-ce donc ce bruit ?»« C'est le volcan qui se réveille depuis quelques jours, » répondit Don Miguel. « Nous longeons en ce moment un de ses flancs. » L'Indien se baissa tout à coup, parut examiner longuement quelque chose. Puis, se tournant vers Don Miguel, « Regardez, seigneur, » dit-il. Le jeune homme se pencha vers la muraille rocheuse, il fixa son regard sur un point légèrement avançant à la base et promena un instant son doigt. « Oui, cet endroit a été récemment poli par une main humaine, sans doute pour effacer la trace d'une brisure faite au passage par les souliers d'un des fugitifs. Continue au Calpo. » Ils marchèrent de nouveau dans le couloir où, bientôt, par suite de l'abaissement de la voûte, ils durent presque ramper. Deux fois encore, au Calpo releva les indices d'un récent passage, indices qui eussent échappé à tout autre, mais que discernait aussitôt son extraordinaire finesse. Maintenant, au bruit de tout à l'heure, se mêlait un autre grondement, plus fort, et qui augmentait de minute en minute. Un air vif, presque glacé, arrivait jusqu'au chercheur, un peu de jour apparaissait. Et tout à coup, Jacques, en dépit de son angoisse, ne put retenir un cri d'admiration. Il venait de déboucher sur une sorte d'étroite plateforme rocheuse, surplombant un abîme énorme. Et, en face d'eux, d'une ouverture percée dans la muraille de roc, s'élevant à 200 mètres au-dessus d'eux, qui enserrait ce gouffre formidable, s'échappait le flot furieux d'une cascade qui allait se perdre avec un bruit de tonnerre dans l'abîme insondable. Le jour arrivait jusqu'ici, mais non le soleil, qu'on devinait tout là-haut, au sommet de cette énorme cheminée. Don Miguel prit la main de Jacques. Il l'attira vers le bord de la corniche sur laquelle il se trouvait et, lui montrant des crampons solidement fixés dans le roc, « C'est par là qu'ils sont partis, » dit-il en approchant ses lèvres de l'oreille de Jacques, car le bruit de la cascade était assourdissant. Par là ? Oh, comment ? C'est impossible ! C'est très possible en attachant ici une échelle spéciale que je possède et qui permet d'atteindre une ouverture qui se trouve sous cette corniche. Là commence le chemin qui mène au gisement aurifère. Mais peuvent-ils trouver une issue par là ? Une issue, il y en a une, mais pour eux, ce serait la mort, dit Don Miguel d'une voix un peu rauque. Ah, s'ils s'étaient enfuis seuls, je les laisserais bien, certain que leurs cadavres joncheraient ce soir ce sol qu'ils osent violer. Mais elle est là. Nous n'avons pas de temps à perdre si nous voulons la sauver. Que craignez-vous donc ? S'écria Jacques. Je vous expliquerai plus tard. Tu es d'avis, au Calpe, que les fugitifs sont vraiment passés par ici ? J'en suis certain, affirma l'Indien. Il demeura quelques secondes silencieux, puis, levant vers Don Miguel ses yeux sombres et graves, « J'ajouterai même que c'est une main indienne qui a tout arrangé, car les traces étaient presque partout admirablement effacées. » Donc, un des complices est au camp, celui peut-être qui a préparé toute l'affaire. 6 personnes seulement, en dehors de moi, connaissent le secret de ce passage. Don Esteban, vous, Don Sanche, Joaquino, Diego et Alonso. Je ne vous ferai pas l'injure de douter un seul instant de vous. De Joaquino, de son frère, je suis sûr comme de moi-même. Alonso, c'est impossible aussi. Il demeura un instant silencieux, le front contracté, les yeux fixés vaguement devant lui sur la cascade écumante. « À moins que... » murmura-t-il. Il se détourna et, sans mot dire, reprit le chemin du retour. Dans la salle aux piliers, il s'arrêta. « Don Esteban, vous allez immédiatement réunir 10 hommes, des plus sûrs, et vous les amènerez ici. Don Sanche, vous ferez partie de l'expédition. » Vous aussi, Jacques, si vous le voulez. Si je le veux, oh, ma pauvre Inès! Nous allons tout tenter pour la sauver, dit la voix frémissante de Don Miguel. Venez maintenant avec moi, Jacques. Je veux, s'il est possible, connaître le mot de cette affaire avant mon départ. Jacques le suivit jusqu'à la tente. Don Miguel sonna Diego et lui donna l'ordre de faire venir Alonso. La nourrice arriva aussitôt. Elle était pâle et défaite. L'enlèvement de la jeune Française confiée à ses soins l'avait affolée et, sans doute, s'attendait-elle à recevoir de sévères reproches, car elle se jeta à genoux en joignant les mains et en balbutiant « Pardon, ô Seigneur, je n'ai rien entendu, et je la soignais si bien, la pauvre petite seigneurita !»« Je n'en doute pas, Alonso, et je ne te reproche rien. » « Relève-toi donc, c'est une simple question que j'ai à te faire. As-tu encore des crises de somnambulisme comme autrefois ?» Elle le regarda d'un air stupéfait. « Quelquefois, oui, Seigneur, je n'en ai pas eu depuis un an. »« Ta fille t'a vue dans cet état ?»« Oui, Seigneur. » »« C'est bien, tu peux te retirer, Alonso. Diego, va me chercher Vicenta. » Quelques instants plus tard, la jeune Indienne apparut. Son visage était un peu crispé. Dès l'entrée, elle fit un salut profond à la manière indienne et elle le répéta une fois en face de Don Miguel en baissant les yeux. « Regarde-moi !» dit impérativement le jeune chef. Ses yeux se levèrent, puis s'abaissèrent aussitôt, comme s'il ne pouvait supporter l'éclat des prunelles étincelantes de Don Miguel. « Pourquoi as-tu fait fuir mes prisonniers ?» À cette question directe, tout le corps de l'Indienne frémit. Elle parut un instant prête à chanceler, son visage devint d'une étrange teinte de brique pâle. Sa voix un peu rauque balbutia. « Je ne comprends pas, Seigneur. Inutile de feindre, je sais que c'est toi, je l'ai vu dans tes yeux. » À cette affirmation, l'Indienne n'essaya pas de répliquer. Tremblant de tous ses membres, elle se laissa glisser à genoux, en courbant la tête presque jusqu'à terre. Don Miguel, impassible, dit froidement « Réponds à ma question. Pourquoi as-tu fait fuir les prisonniers ?» La voix étouffée de Vicenta murmura « Pour qu'ils emmènent la Française !» Et pourquoi voulais-tu qu'il l'emmène ? Parce que je la haïssais. Vraiment ? Que t'avait-elle donc fait ? Vicenta hésita un instant. Don Miguel répéta sa question avec impatience. Elle était trop belle, bégaya l'Indienne. Trop bonne aussi. Tout le monde l'admirait ici. Et le maître surtout. Elle se tordait les mains en prononçant ces mots d'une voix étranglée. Une lueur d'irritation intense s'échappa du regard de Don Miguel. Ah, c'était pour cela. Tu étais jalouse de sa beauté, de sa grâce, de sa bonté. Alors, tu n'as rien trouvé de mieux que de la livrer à ses ennemis en leur découvrant ce secret qui ne t'appartenait pas, que tu as connu par hasard en suivant ta mère, au cours d'une de ces crises de somnambulisme qui la conduisit là. Le traître que je cherchais, c'est toi qui fus nourri du même lait que moi et que j'avais bien voulu, pour ce motif, élever d'un rang au-dessus des servantes ordinaires. « Pardon, pardon !» balbutia Vicenta, se traînant sur le sol. « Une faute telle que celle-là ne se pardonne pas. Diego !» Le Péruvien, qui se tenait à l'entrée de la tente, s'avança aussitôt. « Appelle Smith et dis-lui de faire conduire cette femme dans la prison souterraine. Elle sera jugée à mon retour. » Puis, sans jeter un regard sur la forme humaine étendue sur le sol et agitée de soubresauts convulsifs, il sortit de la tente avec Jacques, qui avait suivi cette scène avec stupéfaction. « Comment avez-vous pu deviner que c'était elle ? » s'écria le jeune garçon. « Je me suis rappelé que Joaquin me fit, il y a quelques jours, cette réflexion. Je ne sais pas ce que Vicenta a contre la jolie señorita française, mais elle avait des yeux, aujourd'hui, en la regardant passer avec son frère. C'était presque à faire peur. » Cette particularité des crises de somnambulisme d'Alonso m'est aussi revenue à l'esprit. D'ailleurs, dès l'entrée de Vicenta, j'ai été fixé. Et qu'allez-vous faire d'elle s'il n'est pas indiscret de vous demander cela ? Elle subira le supplice des traîtres, c'est-à-dire la pendaison, répondit froidement Don Miguel. Jacques s'arrêta brusquement. Oh, votre sœur de lait ? Précisément. Elle est pour ce motif bien plus coupable qu'une autre et ne mérite aucune indulgence. D'ailleurs, nulle faute n'est plus sévèrement punie dans notre société que la trahison. Mais la pauvre Alonso, si bonne, si dévouée. Don Miguel ne répondit pas, mais Jacques, qui tenait les yeux levés vers lui, vit se contracter un peu ses lèvres. Les 10 hommes commandés attendaient dans la salle aux piliers. Don Miguel donna rapidement des instructions à Don Esteban qui demeurait au camp, fit remettre à Jacques les armes nécessaires et en prit pour lui-même. Puis, se tournant vers les hommes rangés en ligne, superbes de tenue martiale et toute militaire, il dit, de sa voix vibrante et autoritaire, « Avant d'aller plus loin, vous allez tous me jurer que jamais vous ne révélerez le secret que vous connaîtrez aujourd'hui. » Un parjure de votre part serait puni comme savent le faire les frères de la justice. » Alors, tous ensemble, ils prononcèrent le serment demandé et Don Miguel s'engagea dans le couloir rocheux où tous le suivirent.